s'allume, les pulsations montent. Ride ski en place, la vibe détonne. Les viewers arrivent, l'ambiance s'emballe. Chaque instant partagé, la fête s'installe. Je lance le beat, le chat s'enflamme. La basse frappe fort, on met l'ambiance. Chaque mot résonne, chaque phrase frappe. Ride ski, l'on mène, le son claque. Les viewers spam, la famille grandit. Une énergie pure, rien ne s'évanouit. Le rythme est là, la nuit est jeune. Dans ce live, personne ne freine. Pulsation du stream, le son qui bouge. La vibe vers ski, la vibe s'ajoute. On passe lourd, on enflammé. On danse ensemble, la nuit est sacrée. On rit, on part, on partage, on lâche rien. Grand sur tweet, grand sur tweet. C'est Reader Ski qui tient. Le chat s'anime, les cris fusent. Le flow explose, l'énergie s'infuse. Un son brut, mais toujours sincère. Chaque live est un vrai mystère. Les haters passent, mais on reste soudés. Raider Skill guide, rien n'est brisé. Les viewers fidèles, la team en place. Chaque session est une grâce. Aux pulsations du stream, le son qui boue. Avec Raider Skill, la vibe s'ajoute. Cette basse lourde, enflammée. On danse ensemble, la nuit est sacrée. On rit, ah, on partage, on lâche rien. Chaque son frappe, le live est chaud, la vibe attaque. On rigole, on clash, on se soutient. Dans ce stream, c'est notre lien. Les viewers présents, la famille forte. Unis par le son, la musique emporte. Le flow monte, la nuit s'enflamme. Ride is kill brille, la vibe réclame. Une pause rapide, un souffle partagé. Le live respire, l'énergie chargée. Demain revient, on reprendra avec Ride is kill. Rien ne s'arrêtera. Pulsation du stream, le son qui bouge. Jacob va décrire la vraie de sa joue. Toujours.